Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Lire en Bulle. Alors aujourd'hui je vais vous parler comics et je ne vais pas vous parler de Marvel pour une fois ni de Star Trek. Je vais parler quelque chose que je fais assez rarement, je vais parler de DC Comics avec le comics Mera Queen of Atlantis qui est un comics. Alors je ne crois vraiment pas qu'il est sorti en France. Non, j'affirme même qu'il n'est encore jamais sorti en France. Donc, c'est un comics de l'ère DC Rebirth où on peut retrouver une Mera qui est exilée en même temps que son mari d'ailleurs, mais ils ne sont pas ensemble pour la protection de Mera. Elle a perdu quasiment tous ses pouvoirs et elle a trouvé place chez la demi-sœur de Arthur. Donc voilà, et on va retrouver Mera dans cette histoire où elle va reconquérir au fur et à mesure le trône d'Atlantis, pas elle seule, avec l'aide du prince Orm qui est Ocean Masters. C'est un comics que j'ai beaucoup aimé parce que il marie assez bien intrigue, politique et action. Ça nous permet de bien faire développer les personnages de tout point de vue. Donc on voit la Mera qui habite avec les humains au début parce que elle est exilée, elle a quasiment plus de pouvoir, donc elle peut pas utiliser sa puissance de sorcière des mers, on va dire. On a même la Justice League qui lui a dit: mais pourquoi tu nous as pas demandé ton aide? Enfin voilà, je trouve ça assez intéressant de voir le personnage de Mera, qui est un personnage assez fort, hein. On peut le voir notamment dans le film d'Aquaman, dans ce rôle là, et j'aime beaucoup. Et après on peut voir de l'autre côté Ocean Masters, qui est développé d'une toute autre manière, où on le voit qu'il a trouvé l'amour sur Terre. Il a trouvé une femme qui avait déjà un enfant, et on peut le voir vraiment heureux là-dessus, et ça fait du bien de voir ça, et ça redéfinit complètement le personnage, et ça j'aime beaucoup de voir ce genre de choses. Et puis après, Ocean Master, ça voit quand même tout ce qui se passe à Atlantis. Et en tant que prince, il n'arrive pas à résister, et puis il se jette de nouveau à l'eau pour essayer d'aider Atlantis. Et pour ça, ça commence par fracasser la gueule de Mera. Bon, je vais pas rentrer plus dans les détails. C'est à peu près le résumé du premier chapitre, voire même du début du second chapitre. C'est un one shot, hein, donc c'est une série complète, je dirais, donc il doit y avoir 5-6 chapitres au total pour ce comics, et honnêtement ça vaut le coup. Je trouve le scénario fait par Dan Abnett qui est très bien mené. Franchement, bon, Dan Abnett, il commence à être un peu connu dans le monde des comics, hein. Il a notamment écrit, scénarisé la série les Gardiens de la Galaxie. Donc, je vais pas refaire tout son attirail. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la chose. Et de l'autre côté, on a au dessin Lan Medina, un peu moins connue, mais bon, Lan Medina a travaillé sur la série Fable, qui est ultra connue et qui a gagné quelques Eisner Awards, donc je vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Fable, je vous conseille de regarder ça directement sur sur notre vieille page YouTube. J'avais fait un épisode consacré à Fable. Donc voilà. Ben écoutez, en 4 minutes, j'ai su résumer complètement Mera Queen of Atlantis. Encore une fois, c'est vraiment un comics que je conseille à toutes et à tous, parce que je retrouve tout ce que je veux dans un comics là-dedans. Et c'est un côté un peu sombre à la DC, comme sait faire DC Comics. J'espère qu'Urban va le publier en France. Ça mérite d'être publié. C'est un très très bon texte. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis on se retrouve très très bientôt dans un nouveau Lire en Bulle.